bonne année. Alors, on m'a fait remarquer que le mot 14, c'est un rare mot en français qui rime avec rien. Donc peut-être un peu dans mon titre, c'est vrai, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais 14 ne rime sur rien. Donc peut-être on tirait la conséquence, la conclusion que ce sera une année qui ne rime à rien. Comme on dit. C'est peut-être opposant. Pardon ? C'est peut-être opposant, mais... Oui. Et donc nous avons donc encore 3 ou 4 mois de cours, comme je dis. Déjà, je commence à douter si je vais terminer le programme cette année. Mais de toute manière, ici, on ne peut pas continuer. Donc, je veux dire, c'est limité à 2 ans. Il faut chercher, si on veut vraiment continuer, il faut chercher une autre salle. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Et pour me faire un peu de publicité à moi-même, je vous rappelle que lundi prochain et mardi, il y a un gros colloque sur l'écologie politique à Paris 7. Ou le lundi matin, je participerai à un débat avec Michael Levy et Serge Latouche sur la question si Marx est-il nécessaire pour la pensée de l'écologie politique. Donc vous trouvez cela facilement sur Internet. Et c'est donc à Paris 7. Et je crois que c'est proche de la Bibliothèque nationale. Ça s'appelle le passage des grands moulins. Comme ça. Et également, on m'a invité à la dernière minute et parler après-demain dans un programme de radio de France Culture qui s'appelle La Grande Table. Et donc on m'a demandé d'intervenir à 12h30. Et donc au moins qu'ils ne changent pas d'idée, parce que cela m'est déjà arrivé, peut-être parce qu'ils ont lu mes livres en attendant. Au moins qu'ils ne changent pas d'idée, donc je dors. Donc je devrais y parler une demi-heure et donc j'espère que je ne dirai pas trop de bêtises. Bonjour. Il y a des chaises. Oui, je crois. J'ai enregistré. Donc, comme vous avez vu la dernière fois, donc, d'une certaine manière, nous sommes passés de la question du fétichisme à la question du narcissisme. On peut aussi dire nous sommes passés de Marx à Freud, ou de la critique de l'économie politique à la psychoanalyse. Et donc, avec un changement de registre, je pense, sensible, peut-être cela explique-t-il aussi pourquoi aujourd'hui on est un peu moins nombreux. C'est vrai que de toute manière, ce n'est pas ici un cours de psychanalyse, et il est aussi vrai que de toute manière, il y a aussi des gens qui n'aiment pas du tout entendre parler de psychanalyse, mais ici, ton autre propos, c'est évidemment inévitable si nous voulons savoir en quoi la société contemporaine peut être appelée une société pas seulement fétichiste, mais également narcissiste. Et donc le dernier cours, donc, c'était sur Freud, donc probablement, je ne sais pas si c'était peut-être trop dense, parce qu'évidemment, j'ai dû dire beaucoup de choses dans une heure, dans 2 heures. Et comme je vous ai dit, en plus, il n'est vraiment pas facile de parler du narcissisme, déjà, parce que déjà, chez Freud même, le concept est plutôt difficile à cerner, donc d'un écrit à l'autre, et après, pratiquement les auteurs psychanalytiques postérieurs qui se sont occupés ont pratiquement, on pourrait presque dire, ils ont dit tout le contraire de tout. Donc si vous lisez, comme je vous ai dit, il y a deux introductions au narcissisme chez Puff, mais c'est effectivement assez confondant finalement. Si on tente de se faire une idée générale, je me suis limité l'autre fois à dire un peu l'essentiel, surtout sur la différence entre le narcissisme primaire, évidemment, du nouveau-né, qui reste encore dans un état de fusion totale avec la mère, et comme une étape absolument normale, et comme quelque chose dont on garde d'une certaine manière la nostalgie toute la vie. Et le narcissisme secondaire comme une tentative plus ou moins pathologique de plus tard de revenir à cet espace qui est un peu plus identifié soit à l'état intra-utérin, soit à l'espace de la toute première enfance. Et évidemment, c'est sûr que qu'ailleurs on va faire des cours beaucoup plus longs sur le concept de narcissisme. Ici, donc, je le comprimais dans une seule heure. Parce que, en vérité, c'était aussi une préparation donc, à ce, au prochain cours, et surtout au cours d'aujourd'hui, donc, où on va parler donc, d'une autre auteure que nous n'avons pas encore vraiment traitée. Ça veut dire Christopher Lesch, auteur américain, né en 1932, je crois, et mort relativement jeune en 1994. Donc, connu surtout par son livre « La culture du narcissisme ». Donc ce sera le seul sujet du cours d'aujourd'hui. Là aussi, j'espère qu'on va terminer dans 2 heures. Et donc là aussi, aujourd'hui, donc je vais me limiter essentiellement à résumer ces idées, selon ma propre perspective. Bien sûr, le but dernier ici, donc, ce n'est pas de faire un résumé des autres auteurs, mais de tenter appliquer ce concept à une analyse du capitalisme contemporain, donc de voir en quoi surtout le concept de Lesch peuvent être utiles, même si il ne faut pas les prendre à la lettre, peuvent être utiles pour comprendre la société capitaliste contemporaine et son déclin. Beaucoup d'autres, après Lesch, se sont emparés du concept de narcissisme. D'ailleurs, j'ai cité quelques livres même au dernier cours. En même temps, ce restait un livre, c'est-à-dire une œuvre maîtresse, dans le sens que c'est comme le premier livre qui a fait un usage systématique du concept de narcissisme en sociologie. Et de l'autre côté, c'est un livre auquel on se réfère souvent jusqu'à aujourd'hui. De l'autre côté, on peut aussi dire qu'il est comme un auteur qu'on cite beaucoup, mais je pense qu'on ne lit pas trop, et de toute manière qu'on n'élabore pas trop. Il n'a pratiquement pas eu de successeur ou d'école ou d'interprète, comme on veut l'appeler. Et moins que jamais en France, bon, c'est le seul auteur à ma connaissance qui s'en peut occuper, et l'essayiste Jean-Claude Michéa, qui a aussi écrit la préface à cette édition. Mais lui aussi, pratiquement, il s'approprie d'une partie de la pensée de Lesch, donc surtout c'est une certaine défense de la comme on dit, ainsi au sens de Orwell, donc de l'esprit du peuple opposé aux élites. Tandis que ce qui nous intéresse ici davantage, c'est-à-dire la relecture de la psychanalyse, le concept de narcissisme que fait Lesch, est pratiquement absent pour ce que je vois chez Michéa, comme je aussi chez d'autres auteurs qui en ont traité. Même si je vous signale, parce que c'est quelqu'un de vous qui me l'a signalé, autrement je l'aurais traité, que c'était le tout jeune Slavoj Žižek qui en 1986 a écrit une préface pour une édition croate de la sorte de la société du narcissisme. Donc c'est un écrit d'ailleurs assez intéressant où Žižek n'avait pas encore trouvé son style inconfondible, donc c'est-à-dire c'est finalement un texte assez lisible et donc assez relativement sobre dans sa discussion du concept de perversion narcissique. C'est un texte que vous pouvez trouver sur internet. Nous on va pas s'en occuper ici, donc on va quand même tenter de se limité aux 2 ouvrages de Christopher Lesch. Alors, un ouvrage, donc, La culture du narcissisme, publié en 79 aux États-Unis. D'ailleurs, la plupart des chapitres étaient des articles au début, donc c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé, je pense, vers 74 à élaborer cette théorie. Un livre qui a eu un retentissement très fort aux États-Unis, malgré que ce ne soit pas un livre très facile à lire, surtout pour ses références à la psychanalyse, jusqu'au point que l'auteur a été invité avec d'autres intellectuels par le président de l'époque, Jimmy Carter, pour discuter des mots de la société américaine. Et donc après quelques années, donc, il a fait publier un autre livre, The Minimal Self, l'édition française a changé le titre, donc Le Moi Assiégé. Donc c'était publié assez récemment seulement chez les éditions Climat, qui a aussi republié la société du narcissisme. Et donc nous avons parlé de ces 2 livres. D'ailleurs, même si la culture du narcissisme est de loin le plus connu, personnellement, je trouvais de certaines manières presque encore plus intéressant le moi assiégé. D'abord, c'est un peu plus bref. Et c'est moins centré sur la situation américaine. Donc, il y a quelque chose de plus générique. Donc, c'était plus facile même à appliquer à d'autres contextes sociaux. Et je vous signale aussi donc, que Lesch donc, était sociologue universitaire. Moi, je pense probablement très peu aimé par ses collègues, donc une figure tout à fait isolée dans le panorama. Malgré le succès de ce livre, il a aussi fait d'autres, parmi ses autres livres, il y a un livre qui analyse le rôle de la famille américaine dans un contexte toujours plus hostile, qui s'appelle Heaven in a Heartless World. Il a fait après un autre livre sur la révolte des élites, ou pratiquement dans une perspective que je trouve plus discutable, il défend de certaine manière les valeurs populaires contre le cynisme des élites. Et il a fait un dernier grand livre sur l'idée du progrès, parce qu'il est vraiment essentiel dans toute sa théorie, c'est une critique de la technologie et de l'idéologie du progrès. Donc malheureusement, il est mort à 62 ans, donc probablement il aurait encore pu faire beaucoup d'autres choses. Alors, c'est un auteur, je ne sais pas, quelqu'un de vous l'a lu ? Oui. Oui. C'est un auteur que je ne trouve pas du tout facile à lire, pas parce qu'il écrit difficile, au contraire, mais parce qu'il a une écriture extrêmement dense. Il a beaucoup de références, donc il cite énormément de littérature. Et on n'a pas l'impression qu'il le fait simplement pour démontrer de l'érudition, parce qu'il a vraiment, d'une certaine manière, digéré une littérature énorme sur différentes sociologiques, littérature, psychoanalytique et autres. Et donc c'est effectivement le texte où on pourrait s'arrêter à méditer sur chaque phrase. Là, c'est une édition dans le poche. Oui, mais alors, je ne conseille pas, hein, parce que, vous voyez, lecture, relecture... Donc c'est pas un exemple de ces objets durables qui, selon Christophe Lesch, sont absolument nécessaires pour s'échapper au narcissisme. Oui. Et encore, là, c'est rien, les pages, on peut les conserver. Il paraît que l'écriture va disparaître aussi pour un moment. L'encre. Ouais. Alors, peut-être qu'on aura un livre blanc bientôt. Un peu plus de temps quand même. Oui, surtout pour moi. Alors, peut-être un jour, donc, ils ne survivront que les livres des encyclopédies des musées de notre époque. Parce qu'eux, ils se font fort encore d'imprimer leurs livres à l'ancienne, aux plombes. Donc, je crois la seule typographie en France qui fait encore de l'imprimerie à l'ancienne. Qui devrait, comme vous savez, faire pénétrer l'encre beaucoup plus profondément à l'intérieur dans les papiers, donc devrait rester plus longtemps. Hein. Et, comme les goûts futurs. Hein? C'est les goûts futurs. Ouais. Peut-être aussi que certains, je pense, de faire part des naissances, des mariages, etc., peut-être également sont parfois imprimés encore dans les anciennes imprimeries, donc pourraient survivre comme peut-être seul témoignage écrit de notre époque. Alors, donc je vais maintenant tenter de vous dire ce que j'ai retenu d'une lecture, d'ailleurs répétée plusieurs fois, de livre de Lesch. Comme je dis aussi, ce n'est pas facile parce que il y a une espèce de circularité de sa méthode, qui d'ailleurs ressemble un peu, si je peux me comparer, à ce que moi j'utilise. Donc, c'est-à-dire pas mettre de prémices pour en tirer les comptes. Pour en tirer la conclusion, mais il y a une espèce d'approche par cercle concentrique. Il y a au moins trois niveaux, on peut dire, chez lui, donc, qui sont briques tout le temps. Il y a une espèce de description de la société, surtout américaine, de son époque, et donc de la société narcissique. Après, il l'interprète d'abord un peu à l'aide, disons, d'un concept comme la personnalité narcissique. Et finalement, il y a une discussion approfondie, donc justement des concepts même des basiques de la psychoanalyse, donc surtout donc des concepts de séparation, de narcissisme, d'angoisse, de complexe d'Édipe, etc. Et en plus, donc chaque chapitre de ce du livre est consacré à un autre sujet. Donc il y a donc la politique, il y a le sport, il y a la culture, il y a la il y a l'obsession pour l'idée de pouvoir tirer des leçons de l'Holocauste, il y a donc... Il y a d'autres chapitres sur l'éducation, et pratiquement dans chaque sujet qu'il traite, pratiquement, il refait pratiquement un peu la même chose, une partie plus descriptive, une autre partie qu'il interprète cela, donc, à la lumière d'une nouvelle discussion que lui, il fait des concepts psychoanalytiques, parce que, comme je dis, il ne le prend pas tel quel, il le trouve, mais en général, il est aussi tout le temps dans un dialogue avec Freud même, avec Melanie Klein et avec d'autres courants de la psychoanalyse comme la psychoanalyse de l'ego. Et ce qui fait, donc, il y a donc tellement de références dans son écriture qu'il est effectivement parfois assez difficile, je trouve, une première lecture de on saisit effectivement la complexité réelle. Et donc, je vais un peu en faire un résumé selon ce que je trouvais le plus intéressant, et après il nous faut encore faire une autre fois dans les prochaines séances le travail de lier tout cela avec la critique de la valeur, parce que si c'est le grand mérite de Lesch, donc il n'est pas traité le narcissisme comme une catégorie, comme une espèce de pathologie individuelle, mais d'y voir un phénomène social, surtout dans l'augmentation du narcissisme. Il tente aussi de comprendre les causes, donc il parle lui-même de la société de consommation, il parle de l'abondance des marchandises qui remplacent les objets faits vraiment, les artisanaux faits par les hommes, il parle des changements dans la structure familiale. Mais on a quand même l'impression, au moins c'est bon, l'impression, que ça reste comme assez court. Il n'a pas vraiment un concept du capitalisme. En vérité, comme d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs que nous aurons traités dans les prochaines séances, sa critique est toujours une critique ou du néolibéralisme ou de toute manière d'une certaine phase du capitalisme. Donc il peut aussi décrire assez bien, mais souvent il oppose. Pour ça, le cas de Lesch n'a pas encore vraiment le néolibéralisme, c'est un peu avant, donc, c'est une phase de transition. De toute manière, il oppose une espèce de dégénération du capitalisme. Il lui oppose une espèce de capitalisme idéal glorifié, qui dans son cas est un peu l'Amérique du 19e siècle. D'ailleurs, on trouve une approche similaire aussi chez d'autres auteurs américains, comme Neil Postman ou Danton Goodman ou d'autres. Donc selon eux, il semble que les États-Unis au 19e siècle étaient un paradis lorsqu'ils exterminaient les Indiens et avaient des esclaves noirs. Donc Lesch est resté une figure isolée aussi parce qu'on ne peut vraiment pas le classer de droite ni de gauche. Mais il part quand même plutôt à gauche, plutôt de ces articles ont été publiés dans des revues de la gauche. Et il se sent toujours, de certaine manière, solidaire d'un projet de libération. Donc il se sent comme proche de l'esprit de 68, il exprime aussi sa espèce de solidarité avec l'écologisme, le féminisme et le mouvement, disons, des libérations personnelles qui allaient si fort aux États-Unis dans les années 70. Mais en même temps, justement, il ne leur fait pas une critique conservatrice, il ne dit pas qu'il faut en terminer avec toutes ces cirques pour revenir à l'ordre ou à la loi. Donc ce n'est pas du tout des discours des conservateurs qui ont pris le pouvoir ensuite, effectivement, à l'époque de Reagan. Non, de certaine manière, la critique de Lesch est de dire que c'est une pseudo-critique, c'est du pseudo-radicalisme qui, d'une certaine manière, ne met pas vraiment en cause les bases de la société narcissique, qu'en vérité, on reste à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas du tout le cadre de liberté de l'individu, qu'on a simplement remplacé les anciennes formes d'autoritarisme avec les nouvelles formes de manipulation et de séduction qui finalement peuvent être pires et surtout qui retombent toujours dans cette forme de pauvreté de l'individu que est le narcissisme. Donc c'est à peu près, donc c'est peut-être une des tout premières auteurs, donc bien avant, disons, par exemple Boltanski ou autres, ont indiqué comment l'esprit émancipateur du 68 a donné d'une certaine manière des résultats opposés. Même si, comme je dis, c'est Lesch même, ça reste comme un peu ambigu. Parfois, effectivement, son discours se démarque mal d'un discours simplement conservateur. Et d'ailleurs, il a effectivement sent-il la nécessité d'écrire une postface à son livre où justement il tente de se distinguer davantage de conservateur auquel il avait été assimilé par beaucoup de commentateurs, parce que ses critiques, par exemple, de la, des changements dans la sphère familiale, la perte du rôle du père et d'autres choses, peuvent, quand même, même si ce n'est pas son intention, peuvent effectivement facilement être lues dans une perspective réactionnaire qui demande simplement davantage d'autorité. En effet, dans son, dans l'autre livre de 84, Les mois assiégés, en fait, il y en a tout le monde qui en prend pour ses gardes. Donc il parle de trois parties, on va le voir après. Pas parti politique, il ne parle pas de gauche et de droite, mais il parle du parti du surmoi, du parti du moi et du parti de l'idéal des moi. Donc il distingue même les initiatives, donc le courant politico-culturel de son époque, il les classe selon l'instance psychique qu'ils veulent mettre au centre. Ou évidemment, les conservateurs, donc c'est plutôt le parti du surmoi, donc les libéraux, c'est plutôt le parti du moi, et la gauche culturelle de l'époque, c'était le parti de Narcisse ou de l'idéal du moi. Et donc chez lui, donc, tout le monde en pointe pour ses grades. Donc il ne dénonce pas un excès de liberté comme le conservateur, mais il dénonce une espèce de fausse libération. Donc au nom des valeurs de libération, on arrive pratiquement au contraire. Et donc voilà pourquoi ici le concept de Narcisse devient un concept, une figure chez lui négative. Donc, là aussi, il y a comme dans son livre une polémique assez constante, même si ce n'est pas toujours explicite, surtout avec le Marcus et des Eros et Civilisation, et avec un autre auteur un peu moins connu aujourd'hui, Norman Brown, La vie contre la mort. Donc des auteurs qui avaient déjà tenté de faire fructifier la psychoanalyse dans une perspective critique aux États-Unis, et qui avaient aussi tenté de redonner une perspective, si on veut, antagoniste et conflictuelle à la psychoanalyse qu'elle avait perdue aux États-Unis d'ailleurs, donc dans les décennies précédentes. Mais justement, donc Lesch, il critique beaucoup les illusions donc des gens qui ont, selon lui, des gens comme Marcuse et toute la nouvelle gauche américaine et européenne aussi, surtout parce que justement dans leur valorisation des Narcisses, donc dans la perspective des Marcuse et de la nouvelle gauche ou des radicaux comme ils les appellent, ou on pourrait dire de la gauche culturelle, donc tout le mal serait donc dans les structures autoritaires, donc qui sont classiquement donc associées à Oedipe, donc et dans la théorie psychanalytique, donc à l'idée que l'enfant donc finalement est confronté à la figure du père, donc la père lui empêche à l'enfant, d'ailleurs à un garçon comme à la fille, de se unir à la mère, et donc lui impose donc une ordre patriocentrique, donc une ordre autoritaire, mais d'un certain moment l'enfant peut en tirer des bénéfices parce qu'il identifie à cette figure paternelle et peut donc accéder finalement donc à une, dans la théorie freudienne, donc à une sexualité génitale adulte et aussi à la maturité psychologique. Donc là c'est de la théorie de Freud même, comme vous savez. Donc après ce qu'on appelle la gauche freudienne, donc à partir de comme Wilhelm Reich, plus tard Erich Fromm et Marcuse même, de manière un peu plus subtile, donc a dit que de toute manière cette principe du père n'était pas du tout seulement un principe de civilisation, mais c'était aussi un principe répressif. Donc ça veut dire donc au moins une partie de cet ordre patriarcal était absolument arbitraire et non nécessaire, donc allait absolument aux dépenses d'abord des femmes et des enfants, mais était au service d'une société qui reprimait donc les pulsions spontanées, les pulsions libidinales pour le remplacer avec le travail et avec le sacrifice. Donc le complexe d'Oedipe et sa résolution. Donc, donc, consiste dans le fait que finalement le principe de réalité triomphe sur le principe du plaisir. Donc pour Freud, c'était quelque chose d'absolument inévitable et douloureux, oui, mais finalement positif. Ou d'ailleurs, Freud était comme rusé, insister sur le fait que finalement que tout cela, ce n'est qu'une longue détour que fait le principe de plaisir pour finalement triompher, parce que Freud disait quand même, à la longue, c'est toujours le principe de plaisir qui triomphe dans nos vies, de s'adapter à la réalité et finalement seulement une espèce de détour plus long pour arriver finalement où nous avons toujours voulu aller. Comme je dis, mais la gauche freudienne donc, n'acceptait pas de cette espèce de sacrifice nécessaire. Elle disait que même la théorie freudienne était une justification de la de l'ordre patriarcal, donc de la où les individus étaient donc avec leur désir spontané, donc ils devaient s'habituer dès leur enfance pratiquement à se sacrifier sur l'autel de la reproduction de l'ordre social, de l'hiérarchie, donc plus tard du travail, du militaire, etc. Et les féministes ont ajouté encore en plus le fait donc spécifiquement donc de l'oppression de femmes, donc qui et dans une société donc qui impose aux enfants à renoncer et même à mépriser leur mère, donc c'est identifié unilatéralement au principe masculin. Est-ce que c'est un peu plus clair? Là, c'était là. Alors, d'un terme explicite, cela était évidemment, je dis, c'était ce qu'on appelle la gauche freudienne, qui restait quand même à un niveau intellectuel assez élevé, c'est pas tout le monde qui l'a lu, mais d'une manière plus vague, évidemment, cette espèce de révolte contre une société répressive était évidemment, donc, d'une certaine manière, des pivots de tout ce qu'on faisait dans les années 60 et 70. C'était aussi ce qu'appelait, c'était aussi une révolte contre ce que Marcuse appelait le conseil français, le principe de prestation. Donc, c'est-à-dire l'obligation à toujours être, donc, de produire quelque chose, d'être actif, donc, de renvoyer le plaisir pour, au contraire, donc, se consacrer au travail, à la besogne, à l'épargne, etc. Alors, donc là, Lesch se pose donc face à cette vague de libération au nom de Narcisse qui était quand même assez fort dans les années 60 et 70 aux États-Unis et même ailleurs. Et il connecte, d'une certaine manière, Lesch voit dans cette espèce de ce que les Américains appellent radicalisme, donc culturel. Et il y voit seulement une partie de quelque chose de plus vaste qui appelle aussi la mentalité thérapeutique, donc certainement un processus qui a commencé après la Deuxième Guerre mondiale, qui est lié lié à la bureaucratisation de la société, et donc pratiquement la liberté de l'individu est de plus en plus restreinte par des grandes organisations bureaucratiques pratiquement qui ôtent toute initiative, toute autonomie à l'individu, qui au titre de s'occuper de lui, pratiquement ne lui laisse plus ni responsabilité, ni même la possibilité d'être coupable, donc qui pratiquement lui disent tout le temps, tu ne peux rien faire tout seul, donc tu dois être traité par nous, par nos médecins, par nos psychiatres, et qui, en offrant une vie assez confortable à l'individu, en même temps, pratiquement, le garde dans un état éternel d'espèce d'infantilisme, qui est justement, comme nous allons voir, exactement ce qui crée le narcissisme. Dans la société moderne, narcissiste aussi, parce que déresponsabilise l'individu, selon Lesch, et le tient pratiquement dans l'état typique de la toute première enfance, qui est donc un état qui oscille entre l'impuissance la plus totale et des désirs illusoires de toute puissance. Donc typiquement l'individu de la société contemporaine, pour Lesch, est quelqu'un qui ne peut rien faire parce que la technologie et la bureaucratie et l'État et la production des marchandises pratiquement font tous pour lui, ne laisse plus pratiquement aucune possibilité d'intervenir réellement et personnellement dans le monde. Là, il faut dire que cette critique de la bureaucratie qui ne laisse plus de liberté aux individus, effectivement, peut paraître assez proche de la typique critique conservatrice de droite, surtout aux États-Unis, donc sur, sur l'excès de, l'intervention étatique. Mais Lesch souligne bien qu'il ne défend pas du tout le libre marché, la libre initiative de l'entrepreneur contre l'ingérence de l'État, mais il dit que c'est le même ordre académique, les mêmes grandes organisations économiques, bureaucratiques, donc des multinationales, grandes entreprises, etc., qui comportent tous cette espèce d'infantilisation, de déresponsabilisation de l'individu. Donc ce n'est pas... Donc Lesch ne fait pas du tout un discours donc, où il défend la libre initiative économique contre, contre l'État. Donc il critique donc, la conception habituelle du narcissisme, qui est comme un mot qu'il utilisait déjà à l'époque, pour surtout pour indiquer une forme d'égoïsme, d'arrogance, d'individu triomphant. Il souligne évidemment tout le temps qu'au contraire, donc, le narcissisme, ça veut dire un affaiblissement contemporain du moi et de la réalité. Donc le narcissisme n'est pas du tout un individu fort, et c'est un individu très faible qui en vérité restait à un niveau profond d'une espèce de, bébé, donc terrorisé par des figures archaïques dans son inconscient, qu'il n'a pas pu dépasser parce que justement parce qu'il n'a pas... comme nous allons voir, parce qu'il n'a pas rencontré une véritable surmoi, mais seulement une surmoi archaïque. Après, on va mieux expliquer ce que ça veut dire. Et en même temps, que c'est narcissique, donc quelqu'un qui ne peut pas vraiment reconnaître la réalité, parce qu'il n'a pas la capacité d'établir ce qu'on appelle des relations objectales. Donc, il ne peut pas vraiment investir de sa libido des objets externes avec lesquels il fait des rapports, d'une certaine manière, d'égo à égo. Nous en avons déjà parlé l'autre fois. Donc le narcissique est donc vraiment un pauvre type, pour Lesch, et pas du tout une figure triomphante, même si cela peut paraître tel. Et on peut donc certainement dire que... Je veux dire, bon, il n'y a presque rien qui ne trouve grâce aux yeux de Lesch. Ben, il faut quand même, au moins un triple combat, évidemment, contre la société de la consommation. Et là, ils sont contre l'autoritarisme à l'ancienne, mais également contre, aussi, comme je dis, contre tout ce qu'on appelait à l'époque la révolution culturelle. Donc, contre de toute manière très critique, surtout donc, envers la triade écologisme. Et écologisme, féminisme et mouvement de la paix. Donc, il aime bien le sport. Hein? Oui, là aussi c'est une chose un peu bizarre, qui probablement lui attirait la sympathie de Michéa. Alors le côté positif est un peu moins développé chez lui, de toute manière, je dirais presque heureusement, parce que la plupart des auteurs sont beaucoup moins intéressants que lorsqu'ils veulent commencer à positiver. Mais on peut quand même dire, grosso modo, ce qui nous semble l'alternative au narcissisme est un monde où, où justement les individus reconnaissent leur séparation originaire, donc avec la mère, les instances originaires, la reconnaissent, mais quand même ils la dépassent en établissant un rapport amical avec le monde à travers, par exemple, une exploration de la nature qui ne soit pas simplement sa domination technologique, à travers l'art et le jeu. Et ici, il se réfère au concept des objets transitionnels chez notre psychanalyste important qui est Winnicott. Et en même temps, donc il insiste beaucoup sur le fait justement que le narcissisme est aussi le fait que nous ne vivons plus dans un monde d'une certaine manière stable, où on peut effectivement compter sur une espèce de il n'y a plus un aspect durable des personnes, des institutions, des contextes sociaux. Nous sommes dans une espèce de film perpétuel où les choses changent tout le temps. Et donc, qui effectivement est en même temps une cause et une conséquence de, justement du narcissisme, de sa perte de la réalité. Je dis, alors, je dis, le l'élément positif évidemment auquel il pense est que sûrement une société américaine idéalisée du 19e siècle avec sa communauté, avec son artisanat et son agriculture. En même temps, il fait aussi des références brèves mais assez significatives à Hannah Arendt, surtout à son livre La condition humaine, et donc justement à cette idée d'une espèce de un monde bâti par l'être humain où l'être humain peut se reconnaître. Où on peut déployer une espèce d'amour du monde, comme disait Hannah Arendt. Mais, je dis, ça reste assurément la partie peut-être moins intéressante de son travail, qui est plus intéressant, là aussi, plutôt comme contraste négatif. Par exemple, son idée sur l'importance positive de l'art comme rapport non narcissique avec le monde reste assez vague, mais il lui est utile pour condamner l'art contemporain. Parmi d'autres choses, il tire à boulet rouge, par exemple, sur l'art minimaliste. Là, au contraire, c'est très intéressant ce qu'il y dit. Justement, donc Lesch, on peut dire, c'est effectivement une auteure, on pourrait dire, tragique, parce que tragique dans le sens, il part effectivement de l'idée pas seulement de l'idée que la société est conflictuelle et pleine de contradictions, ce qui déjà n'est pas habituel aux États-Unis de partir de l'idée du conflit. Mais c'est beaucoup plus radical, plus tragique, parce que tandis que le critique de gauche habituel du capitalisme pense que quand même le problème causé par la société du capitalisme peut quand même être, de certaine manière, être dépassé, parce que par exemple en dépassant l'ordre patriarcal, ou en changeant la structure familiale, ou en féminisant la société américaine, etc. Tandis que Lesch, de certaine manière, se pose plutôt du côté du pessimisme radical de dernier écrit de Freud, selon lequel il y a une espèce de conflit pratiquement sans solution au cœur même de la nature humaine, entre guillemets, et qui réside dans sa structure psychique même et dans son conflit avec la culture, mais qui quand même ne condamne pas nécessairement l'être humain à un malheur perpétuel, parce qu'il existe quand même au monde de solutions, au monde acceptable, sinon idéal. Et là, on va reprendre au début, à la fin. Donc là, Lesch s'oppose de certaine manière à toute idée que, même chez les auteurs comme Marcuse et autres auteurs de la gauche, selon lesquels le conflit entre la nature pulsionnelle humaine et la société, et la culture, n'est soit due qu'à une espèce de mauvaise société qui impose des mauvais choix, mais qu'on pourrait remplacer avec de bons choix. De cette manière, c'est un peu effectivement l'idée de Marcuse et d'autres. D'ailleurs, il se réfère, par exemple, également de manière polémique, par exemple, à l'idée de Gregory Bateson et donc de ce courant qui insistait sur une autre approche à la nature, donc on insistait aussi beaucoup, comme s'appelle cette théorie de Bateson, l'école de Palo Alto, donc une espèce un peu mélange entre écologie et cybernétique. C'était donc tous des approches qui se voulaient très critiques envers le rationalisme occidental et vers la science traditionnelle, vers la technologie, qui ont aussi d'ailleurs, Lesch l'admet, donc ces courants comme le féminisme, comme l'écologie, ont dit beaucoup de choses justes, mais selon Lesch, ils sont beaucoup trop naïfs dans l'idée qu'on pourrait simplement remplacer avec un changement social, on pourrait certainement éviter tous ces conflits. Donc Lesch, justement, il rediscute aussi les auteurs psychoanalytiques et en critiquant justement, comme je dis, toutes les approches selon lesquelles le conflit intérieur, donc ce qui nous rend malades, neurotiques ou psychotiques, est toujours dû à une espèce de mauvaise influence extérieure, donc que ce soit l'ordre patriarcal, que ce soit la société capitaliste, etc. Lesch, il se réfère à un autre courant psychoanalytique, donc qu'il trouve dans les derniers écrits de Freud et dans les écrits de Melanie Klein et de son école, selon lequel il y a une espèce de conflit qui existe déjà dans les tout premiers mois de la vie, qui est l'angoisse de séparation avec la mère. C'est la haine qui se qui, selon, surtout selon Mélanie Klein, qui la haine qui les bébés ressent vers la mère ou vers les autres personnes qui s'occupent de lui, qui ne peuvent pas toujours satisfaire ce besoin. Donc les enfants commencent à un moment à les haïr, ils projettent son agression vers les parents. Et après, ils pensent être haï à son tour. Donc, ils se sentent persécutés. Donc, le bébé des premiers mois. Donc, ils croient également d'être objet d'une haine dévorante. Et comme j'ai déjà dit l'autre fois, comment on fait pour le savoir? Évidemment, aucun bébé ne nous a jamais raconté qu'est-ce qu'il sentait. Mais au moins, il y a quand même beaucoup de psychanalytiques qui affirment d'avoir trouvé pratiquement cela dans leur cure psychanalytique, en interprétant ce que disent leurs patients dans leur phase régressive. Mais même s'il ne faut pas tout cela prendre toujours à la lettre, il est comme intéressant donc cette idée donc reprendre le dernier Freud chez Mélanie Klein, qu'il y a une espèce de conflit qui se situe d'ailleurs bien avant le conflit d'Édipe. Il y a une espèce d'angoisse qui naît déjà du fait d'abord de venir au monde et après de devoir se séparer, quand même, de devoir reconnaître le fait à un certain moment au cours des premières années de ne pas être une fusion avec la mère et avec le monde autour. Donc devoir faire cette reconnaissance très douloureuse d'être un être séparé. Donc ça veut aussi dire que ses propres besoins peuvent aussi ne pas être satisfaits. Et en même temps, le tout petit enfant a donc des pulsions sexuelles même très fortes. Donc surtout, il veut se réunir à sa mère aussi de certaines manières, presque comme raccourci pour revenir vers l'état utérin. Et donc, le véritable drame, donc selon les psychanalystes auxquels se réfère Lesch, le véritable drame donc aussi du bébé, c'est plutôt de devoir, tôt ou tard, reconnaître l'impossibilité de réaliser ce désir aussi, parce que simplement, sa capacité physique et motrice ne sont absolument pas à la hauteur de ce qu'il peut s'imaginer dans ses fantasies. Bon, tout cela se semble peut-être un peu bizarre, ce que j'ai dit, surtout parce que c'est quand même assez différent par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'ici sur la valeur, sur le travail productif, etc. On va quand même voir pourquoi cela, nous introduit d'une autre manière, par un autre détour à nouveau vers la question du capitalisme et vers la question des formes psychiques qui accompagnent le capitalisme. Ah, je vous prie comme toujours de signer le cahier. D'ailleurs, je ne sais où. Je ne sais pas si mon exposé est clair, parce qu'ici on parle toujours à plusieurs degrés. Donc je vous expose ce qui dit Lasch de ce qui disent des autres auteurs, comme autres auteurs interprètent Freud. Donc nous sommes ici à plusieurs degrés. Mais j'ai trouvé finalement que ce débat, même si à première vue peut-être un peu bizarre, effectivement peut être assez riche. Alors, et donc dans cette perspective, dans cette lecture spécifique que fait l'âge d'une partie de la tradition psychoanalytique, donc d'une certaine manière, l'essentiel se joue donc déjà bien avant le complexe d'Édipe. Le complexe d'Édipe a toujours plus d'Ilèche à la gauche freudienne, parce que là, on peut quand même, d'une certaine manière, la société apparaît. Donc là, la gauche freudienne, donc évidemment, donc, je répète, essentiellement Wilhelm Reich, Erich Fromm et Marcuse, et même une partie de certaines féministes freudiennes ensuite, ont toujours dit Freud a été trop biologiste, la société compte quand même pour beaucoup. De certaines manières, c'est dans le complexe d'Édipe que la société fait son apparition, parce que le père, le père introduit le principe de réalité, et là, il agit comme agent de la société extérieure. Donc, Et là, il oblige justement l'enfant à renoncer au plaisir, à renoncer à la satisfaction de ses pulsions, en échange d'autres satisfactions plus indirectes auxquelles il peut accéder.